Épilogue. Une villa près d'Arcachon, au joli village des Moulots, dont les pins descendent jusqu'à la verge du golfe. Véronique est assise dans le jardin. 8 jours de repos et de joie ont redonné la fraîcheur à son beau visage et endormi les mauvais souvenirs. Elle regarde en souriant son fils, qui, debout un peu plus loin, écoute et interroge Don Luis Perena. Elle regarde aussi Stéphane et leurs yeux se rencontrent doucement. On sent qu'il y a entre eux, par l'affection qu'ils portent l'un et l'autre à l'enfant, un lien qui les unit étroitement et qui se renforce de leurs pensées secrètes et de leurs sentiments confus. Pas une fois Stéphane n'a rappelé les aveux qu'il a faits dans la cellule des Landes Noires, mais Véronique ne les a pas oubliés, et la reconnaissance profonde qu'elle garde à celui qui éleva son fils est mêlée d'une émotion spéciale et d'un trouble dont elle goûte le charme à son insu. Ce jour-là, Don Luis, qui le soir même où le bouchon de cristal les a tous amenés à la villa des Moulots, prenait le train pour Paris, est arrivé à l'improviste au moment du déjeuner en compagnie de Patrice Belval, et depuis 1 heure qu'ils sont au jardin, installés dans les rocking chairs, l'enfant, la figure toute rose d'animation, ne cesse de poser des questions à son sauveur. « Et alors, qu'avez-vous fait? Mais comment avez-vous pu savoir? Et pour cela, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ?» « Mon chéri, observe Véronique, ne crains-tu pas d'importuner Don Luis ?»« Non, madame, répond Don Luis, qui se lève, s'approche de Véronique, et lui parle de façon que l'enfant n'entende point. « Non, François, ne m'importune pas, et je tiens même à répondre à ses questions. Mais j'avoue qu'il m'embarrasse un peu et que je crains quelque maladresse de ma part. Voyons, que sait-il au juste de tout ce drame ?» Ce que j'en sais moi-même, sauf, bien entendu, le nom de Vorsky. Mais le rôle de Vorsky, il le connaît. Oui, mais avec certaines atténuations. Vorsky est un prisonnier évadé qui a recueilli les légendes de Sarek et qui, pour s'emparer de la pierre Dieu, a mis à exécution la prophétie qui la concernait, prophétie dont j'ai caché quelques vers à François. Et le rôle d'Elfride, sa haine contre vous, les menaces qu'elle vous a faites. Paroles de folie, dont moi-même. Et je dis à François, je n'ai pas compris le sens. Don Luis sourit. L'explication est un peu sommaire, dit-il, et j'ai idée que François comprend fort bien que certaines parties du drame doivent rester et resteront dans l'ombre pour lui. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est qu'il ignore que Vorsky était son père. Il l'ignore et ne le saura jamais. Et alors? Et c'est là où je voulais en venir. Quel nom portera-t-il lui-même? Que voulez-vous dire? Oui. De qui se croira-t-il le fils? Car vous le savez comme moi, la réalité légale se présente ainsi. François Vorsky est mort dans un naufrage ainsi que son grand-père il y a 14 ans. Et Vorsky est mort il y a 1 an, assassiné par un camarade. Légalement, il n'existe ni l'un ni l'autre, et alors? Véronique hocha la tête en souriant. Et alors, je ne sais pas. La situation me semble en effet inextricable, mais tout s'arrangera. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Il sourit à son tour. Je n'ai même plus le bénéfice des actes que j'accomplis et des mesures que je prends. Tout s'arrange a priori. À quoi bon se donner de la peine? N'ai-je pas raison? Oui, fit-il gravement. Celle qui a tant souffert ne doit plus subir le même ennui. Et rien ne l'atteindra désormais, je vous le jure. Donc, voici ce que je vous propose. Vous avez épousé autrefois, contre le gré de votre père, un de vos cousins très éloignés, qui est mort après vous avoir laissé un fils, François. Ce fils, votre père, pour se venger, l'a enlevé et l'a conduit à Sarek. Votre père étant mort, le nom d'Hergemont est éteint et rien ne peut rappeler les événements de votre mariage. Mais mon nom reste. Légalement, sur les registres de l'état civil, je m'appelle Véronique d'Hergemont. Votre nom de jeune fille disparaît sous votre nom de femme. Donc, sous mon nom de Vorsky. Non, puisque vous n'avez pas épousé le sieur Vorsky, mais un de vos cousins qui s'appelait Jean Maroux. Voici un extrait légalisé de votre acte de mariage avec Jean Maroux, mariage qui est mentionné sur votre état civil, ainsi que l'atteste cette autre pièce. Véronique regarda Don Luis avec stupeur. Mais pourquoi? Pourquoi ce nom? Pourquoi? Pour que votre fils ne s'appelle plus d'Hergemont, ce qui aurait évoqué les événements d'autrefois, ni Vorsky. Ce qui aurait évoqué le nom d'un traître. Voici son extrait de naissance, François Maroux. Elle répéta, rouge et confuse, Mais pourquoi avez-vous choisi précisément ce nom ? Cela m'a semblé commode pour François. C'est le nom de Stéphane auprès de qui François continuera longtemps de vivre. On pourra dire que Stéphane était parent de votre mari, et votre intimité à tous sera ainsi expliquée. Tel est mon plan. Il n'offre, soyez-en sûr, aucun péril possible. Quand on se trouve en face d'une situation insoluble et douloureuse comme la vôtre, il faut bien employer des moyens particuliers et recourir à des mesures radicales, et je l'avoue, fort peu légales. C'est ce que j'ai fait sans scrupule, puisque j'ai la bonne chance de disposer de ressources qui ne sont pas à la portée de tous. Vous m'approuvez ? Véronique inclina la tête. « Oui, oui, » dit-elle. Il se leva à moitié. « D'ailleurs, » ajouta-t-il, « s'il se présente quelques inconvénients, l'avenir se chargera sans doute de les aplanir. Il suffirait, par exemple, ce n'est pas indiscret, n'est-ce pas, de faire allusion au sentiment que Stéphane éprouve pour la mère de François. Il suffirait qu'un jour ou l'autre, par raison, par gratitude, la mère de François fût amenée à bien vouloir accueillir l'hommage de ses sentiments. Alors, comme tout se trouve simplifié, si François porte déjà le nom de Maroux, combien le passé sera mieux aboli, aussi bien pour le monde que pour François, qui ne pourront plus pénétrer dans le secret d'événements effacés et que rien ne rappellera. Il m'a semblé que ces motifs avaient quelque poids. Je suis heureux de voir que vous partagez mon avis. » Don Luis salua Véronique, et sans hésiter davantage, sans paraître remarquer sa confusion, il se retourna vers François et s'écria « Maintenant, mon petit, je suis tout à toi. Et puisque tu ne veux rien laisser dans l'ombre, revenons à la pierre Dieu et au bandit qui la convoitait. « Oh oui, au bandit !» répéta Don Luis, jugeant qu'il n'y avait aucune raison pour ne point parler de Vorski en toute franchise. « Et le bandit le plus effroyable que j'ai rencontré, parce qu'il croyait à sa mission. Bref, un malade, un détraqué. » « Eh bien, tout d'abord, ce que je ne comprends pas, fit observer François, c'est que vous avez attendu toute la nuit pour le capturer, alors que ses complices et lui dormaient sous le dolmen au fait. « Très bien, mon petit, » s'exclama Don Luis en riant. « Tu as mis le doigt sur un point faible. Si j'avais agi ainsi, le drame finissait 12 ou 15 heures plus tôt. Seulement, voilà, aurais-tu été délivré. Le bandit aurait-il parlé et révélé ta retraite ? Je ne le pense pas. Pour lui délier la langue, il fallait le cuisiner. Il fallait l'étourdir, le rendre fou d'inquiétude et d'angoisse, et faire pénétrer en lui, par 1000 preuves, le sentiment de sa défaite irrémédiable, sans quoi il se taisait, et nous ne t'aurions peut-être pas retrouvé. Et puis à ce moment-là, mon plan n'était pas très net. Je ne savais pas trop comment aboutir. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pensé, non pas à lui infliger une torture violente, j'en suis incapable, mais à l'attacher à cet arbre où il avait voulu faire mourir ta mère, de sorte que, embarrassé, hésitant, j'ai tout simplement cédé, en fin de compte, au besoin quelque peu puéril, je l'avoue à ma confusion, d'aller jusqu'au bout de la prophétie, de voir comment se comporterait le missionnaire en face du vieux druide, bref, de m'amuser. Que veux-tu ? L'aventure était si noire qu'un peu de gaieté m'a semblé nécessaire. Et j'ai bien ri. Voilà ma faute. Je m'en accuse et je m'en excuse. » L'enfant riait aussi. Don Luis, qui le tenait debout entre ses jambes, l'embrassa et répéta. « Tu m'excuses ? » ?»« Oui, mais à la condition que vous répondiez encore. Il me reste 2 questions. La première, peu importante. Parle. Il s'agit de la bague. D'où vient-elle, cette bague que vous avez mise d'abord au doigt de maman, ensuite au doigt d'Elfried ? Je l'ai fabriquée la nuit même en quelques minutes avec un vieil anneau et des pierres de couleur. Mais le bandit l'a reconnue comme ayant appartenu à sa mère. Il a cru la reconnaître, et il l'a cru parce que la bague était semblable. Mais comment le saviez-vous, et comment connaissiez-vous cette histoire ? Par lui-même. Est-ce possible ? Mon Dieu, oui ! Des paroles qui l'ont échappé pendant qu'il dormait sous le dolmen au fait. Un cauchemar d'ivrogne. Il a raconté par bribes toute l'histoire de sa mère, qu'Elfried connaissait, d'ailleurs, en partie. Tu vois comme c'est simple, et combien le hasard m'a favorisé. « Mais l'énigme de la pierre Dieu n'est pas simple !» s'écria François. « Et vous l'avez déchiffrée. Voilà des siècles que l'on cherche, et vous avez mis 2 heures. »« Non, 2 minutes, François. Il m'a suffi de lire la lettre que ton grand-père écrivait à ce propos au capitaine Belval. Par courrier, je donnais à ton grand-père toutes les explications sur l'emplacement et sur la nature merveilleuse de la pierre Dieu. « Eh bien, Don Luis, s'écria l'enfant, ce sont ces explications que je vous demande. Voilà ma dernière question, je vous le promets. D'où vient que l'on a cru au pouvoir de la pierre Dieu, et en quoi consistait au juste ce soi-disant pouvoir ?» Stéphane et Patrice rapprochèrent leur fauteuil. Véronique se redressa et prêta l'oreille. Ils comprenaient tous que Don Luis avait attendu qu'ils fussent réunis pour déchirer devant eux le voile du mystère. Il se mit à rire. « N'espérez rien de sensationnel, dit-il. Un mystère ne vaut que par les ténèbres dont il est enveloppé. Et comme nous avons d'abord dissipé les ténèbres, il ne reste plus que le fait lui-même dans sa réalité toute nue. Mais cependant, le fait est ici étrange, et la réalité n'est pas dénuée de quelque grandeur. « Il le faut bien, dit Patrice Belval, puisque cette réalité a laissé dans l'île de Sarek, dans toute la Bretagne même, une légende d'un miracle. « En effet, fit Don Luis, et une légende si tenace qu'elle influe sur nous aujourd'hui encore, et qu'aucun de vous n'a échappé à cette obsession de miracle. « Comment ? Protesta le capitaine. « Mais je ne crois pas au miracle, moi. « Moi non plus, affirma l'enfant. « mais si, vous y croyez. Vous admettez le miracle comme une possibilité. Sans quoi, il y a longtemps que vous auriez saisi l'entière vérité. Comment cela ? Don Luis cueillit une superbe rose à un arbuste dont les branches s'inclinaient vers lui et demanda à François « Est-il possible que je transforme cette rose, dont les proportions sont déjà celles qu'une rose atteint rarement, en une fleur deux fois plus grande et ce rosier en un arbuste plus grand du double ?»« Non, certes, déclara François. « Alors pourquoi as-tu admis ? Pourquoi avez-vous tous admis que Magnoc pût arriver à ce résultat, lui, rien qu'en recueillant de la terre en certains endroits de l'île et à certaines heures déterminées. C'est un miracle, cela, et vous l'avez accepté sans hésitation, inconsciemment. » Stéphane objecta. « Nous avons accepté ce dont nous étions témoins. Mais vous l'avez accepté comme un miracle, c'est-à-dire comme un phénomène que Magnoc provoquait par des moyens spéciaux et en vérité surnaturels. Tandis que moi, en lisant ce détail dans la lettre de M. d'Hergemont, tout de suite j'ai... Comment dirais-je ? J'ai tiqué. Tout de suite, j'ai fait le rapprochement entre ces fleurs monstrueuses et le nom que portait le calvaire fleuri. Et ma conviction fut immédiate. Non, Magnoc n'est pas un sorcier. Il a simplement déblayé autour du calvaire un terrain inculte où il lui a suffi d'apporter une couche d'humus pour que jaillissent des fleurs anormales. Donc, la pierre Dieu est là en dessous. La pierre Dieu qui, au Moyen-Âge, faisait jaillir les mêmes fleurs anormales, la pierre Dieu qui, au temps des druides, guérissait les malades et fortifiait les enfants. Et par conséquent, fit observer Patrice, il y a un miracle. Il y a un miracle si l'on accepte les explications surnaturelles. Il y a un phénomène naturel si l'on recherche et si on trouve les causes physiques capables de susciter le miracle apparent. Mais ces causes physiques n'existent pas. Elles existent puisque vous avez vu des fleurs monstrueuses. Alors, demanda Patrice, non sans ironie. « Il y a une pierre qui peut naturellement guérir et fortifier. Et cette pierre, c'est la pierre Dieu. Il n'y a pas une pierre spéciale, unique. Mais il y a des pierres, des blocs de pierres, des roches, des collines et des montagnes de roches qui contiennent des gisements de minerais formés de métaux divers, oxyde d'urane, argent, plomb, cuivre, nickel, cobalt, etc. Et parmi ces métaux, il en est qui émettent un rayonnement spécial, doué de propriétés particulières, que l'on appelle radioactivité. Ces gisements sont des gisements de pêche blonde que l'on ne trouve guère en Europe que dans le nord de la Bohême et qui sont exploités près de la petite ville de Joachimsthal. Et ces corps radioactifs, ce sont l'uranium, le thorium, l'hélium et principalement, dans le cas qui nous occupe, le radium, interrompit François. Tu l'as dit, mon petit, le radium. Il y a des phénomènes de radioactivité un peu partout. Et l'on peut dire qu'ils se manifestent dans toute la nature, ainsi par l'action bienfaisante des sources thermales. Mais les corps nettement radioactifs, comme le radium, possèdent des propriétés plus définies. Il est hors de doute, par exemple, que le rayonnement et les émanations du radium exercent un pouvoir sur la vie des végétaux, pouvoir analogue à celui qui serait dû au passage d'un courant électrique. Dans les deux cas, l'excitation du milieu nutritif rend plus assimilables des éléments nécessaires à la plante et en stimule la croissance. De même, il est hors de doute que le rayonnement du radium est capable d'exercer une action physiologique sur les tissus vivants en y produisant des modifications plus ou moins profondes, détruisant certaines cellules ou contribuant à développer d'autres cellules et même à en régler l'évolution. La radiothérapie signale la guérison ou l'amélioration dans de nombreux cas de rhumatismes articulaires, de troubles nerveux, d'ulcérations, d'eczéma, de tumeurs, de cicatrices adhérentes. Bref, le radium est un agent thérapeutique d'une réelle efficacité. De sorte que, dit Stéphane, vous considérez la pierre Dieu? Je considère la pierre Dieu comme un bloc de pechblende radifère provenant des gisements de Joachimsthal. Je connaissais depuis longtemps la légende bohémienne qui part d'une pierre miraculeuse jadis arrachée au flanc d'une colline. Et lors d'un voyage, j'ai vu le vide laissé par cette pierre. Il correspond assez exactement aux dimensions de la pierre Dieu. Mais, objecta Stéphane, le radium n'est contenu dans les roches qu'à l'état de particules infinitésimales. Pensez donc que l'extraction, le lessivage et le traitement d'une masse de 1400 tonnes de roches ne laissent filtrer en fin de compte qu'un gramme de radium. Et vous attribuez un pouvoir miraculeux à la pierre Dieu, qui pèse tout au plus 2 tonnes. Mais qui contient évidemment du radium en quantité appréciable. La nature n'a pas pris l'engagement d'être avare et de diluer le radium. Elle a pu, et tel a été son bon plaisir, en accumuler dans la pierre Dieu avec assez de générosité pour que la pierre Dieu fût capable de produire les phénomènes en apparence extraordinaires que nous connaissons, sans compter que nous devons faire la part des exagérations populaires. Stéphane semblait de plus en plus convaincu. Cependant, il dit encore « Un dernier point. En dehors de la pierre Dieu, il y a le petit éclat de pierre que Magnoc a trouvé dans le sceptre de plomb et dont le contact prolongé lui a brûlé la main. Selon vous, ce serait un grain de radium ?»« Incontestablement. Et c'est par là, peut-être, que la présence et que le pouvoir du radium, dans toute cette aventure, nous sont révélés avec plus de clarté. Le grand physicien Henri Becquerel, ayant gardé dans la poche de son gilet un tube contenant un sel de radium, une ulcération suppurante se produisit sur sa peau au bout de quelques jours. Curie répéta l'expérience, même résultat. Le cas de Magnoc doit être plus grave puisqu'il avait gardé le grain de radium dans sa main. Il se forma une plaie d'aspect cancéreux. Épouvanté par ce qu'il savait, et par tout ce qu'il avait dit lui-même sur la pierre miraculeuse qui brûle comme le feu de l'enfer et qui donne vie aux morts, il se trancha la main. « Soit, dit Stéphane, mais d'où vient ce grain de radium pur? Cela ne peut pas être un éclat de la pierre bleue puisque, encore une fois, si riche que soit un minerai, le radium ne lui est pas incorporé par grain isolé, mais sous forme soluble, et qu'on doit le dissoudre et le rassembler ensuite par une série d'opérations en un produit suffisamment riche pour être soumis à la cristallisation fractionnée. Tout cela, et bien d'autres opérations subséquentes, exigent un matériel énorme, des usines, des laboratoires, des savants, bref, un état de civilisation qui diffère quelque peu, avouez-le, de l'état de barbarie où nos ancêtres les Celtes étaient plongés. Don Luis sourit et frappa l'épaule du jeune homme. « Très bien, Stéphane. » Je suis heureux de voir que le maître et l'ami de François est un esprit clairvoyant et logique. L'objection est absolument juste. Et tout de suite, elle s'est imposée à moi. Je pourrais y répondre à l'aide de quelque hypothèse parfaitement légitime. Supposer un moyen naturel d'isoler le radium. Imaginez que dans une faille granitique, au fond d'une grande poche contenant du minerai radifère, il s'est ouvert une fissure par où les eaux du fleuve s'écoulent avec lenteur et entraîne des portions infimes de radium, que ces eaux ainsi chargées circulent longuement dans un étroit couloir, se réunissent, se concentrent, et après des siècles et des siècles, filtrent par petites gouttelettes aussitôt évaporées, forment au point d'émergence une menue stalactique très riche en radium, dont un jour quelques guerriers celtes a cassé l'extrémité. Mais est-il besoin de chercher si loin et de recourir à l'hypothèse? Ne peut-on s'en rapporter au seul génie et aux ressources inépuisables de la nature? Est-ce pour elle un effort plus prodigieux d'émettre par ses propres moyens un grain de radium pur que de faire mûrir une cerise ou éclore cette rose, ou de donner la vie au délicieux tout va bien? Qu'en dis-tu, mon petit François? Sommes-nous d'accord? Nous sommes toujours d'accord, répondit l'enfant. Et ainsi, tu ne regrettes pas trop le miracle de la pierre Dieu ? Mais il existe toujours, le miracle. Tu as raison, François. Il existe toujours et 100 fois plus beau et plus éclatant. La science ne tue pas les miracles, elle les purifie et les ennoblit. Qu'était-ce que cette petite puissance sournoise, capricieuse, méchante, incompréhensible, qui s'attachait à la pointe d'une baguette magique et qui agissait à tort et à travers, selon la fantaisie ignorante d'un chef barbare ou d'un druide? Qu'était-ce, à côté du pouvoir bienfaisant, clair, loyal et tout aussi miraculeux qui nous apparaît aujourd'hui à travers une poussière de radium? Qu'était-ce? Don Luis s'interrompit soudain et se mit à rire. « Allons bon, voilà que je m'emballe et que je chante une ode à la science. Excusez-moi, madame, » ajouta-t-il en se levant et en s'approchant de Véronique. « Et dites-moi que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes explications. Non, n'est-ce pas? Pas trop? D'ailleurs, c'est fini. Ou du moins, presque fini. Il n'y a plus qu'un point à préciser, plus qu'une décision à prendre. » Il s'assit auprès d'elle. « Eh bien, voilà. » Maintenant que nous avons conquis la pierre Dieu, c'est-à-dire un véritable trésor, qu'allons-nous en faire? Véronique eut un élan de tout son être. Oh, pour cela, qu'il n'en soit pas question. Je ne veux rien de ce qui peut provenir de Sarek, rien de ce qui se trouve dans le prieuré. Nous travaillerons. Cependant, le prieuré vous appartient. Non, non. Véronique d'Hergemont n'existe plus, et le prieuré n'appartient plus à personne. Que tout cela soit vendu à l'encan. Je ne veux rien de ce passé maudit. Et comment vivrez-vous? Comme je vivais, de mon travail. Et je suis sûr que François m'approuve, n'est-ce pas, mon chéri? Et dans un mouvement instinctif, se tournant vers Stéphane, comme s'il avait quelque droit à donner son avis, elle ajouta, « Vous aussi vous m'approuvez, n'est-ce pas, mon ami? » « Entièrement, » dit-il. Aussitôt elle reprit, « Du reste, si je ne doute pas des sentiments affectueux de mon père, je n'ai aucune preuve de ses volontés à mon égard. Peut-être les ai-je, moi, ces preuves? Fit Don Luis. Comment? Patrice et moi, nous sommes retournés à Sarek. Dans un secrétaire de la chambre de Magnoc, au fond d'un tiroir secret, nous avons trouvé une enveloppe cachetée, mais sans adresse, que nous avons ouverte. Elle contenait un titre de rente de 20 000 francs et ces mots sur une feuille de papier. Après ma mort, Magnoc remettra ce titre à Stéphane Maroux, à qui je confie mon petit-fils François. Lorsque François aura 18 ans, le titre lui appartiendra en propre. Je veux croire d'ailleurs qu'il cherchera à retrouver sa mère et qu'elle voudra bien prier pour moi. Je les bénis tous les deux. Voici le titre, fit Don Luis. Et voici la lettre. Elle est datée du mois d'avril de cette année. Véronique fut stupéfaite. Elle regarda Don Luis. Et il lui vint cette idée que tout cela n'était peut-être qu'une histoire inventée par cet homme étrange pour les mettre, elle et son fils, à l'abri du besoin. Idée passagère. Somme toute, l'acte de M. d'Hergemont n'avait rien que de fort naturel, et prévoyant les difficultés auxquelles on se heurterait après sa mort, il était juste qu'il eût songé à son petit-fils. Elle murmura. « Je n'ai pas le droit de refuser. »« Vous en avez d'autant moins le droit, » s'écria Don Luis, « que c'est une affaire qui se passe en dehors de vous. » Et que la volonté de votre père va directement vers François et vers Stéphane. Ainsi donc, nous sommes d'accord sur ce point. Reste la pierre Dieu. Et je pose de nouveau ma question, qu'en ferons-nous? À qui appartient-elle? À vous, déclara nettement Véronique. À moi? Oui, à vous qui l'avez découverte. À vous qui lui avez donné toute sa signification. Don Luis observa. Je dois vous rappeler que ce bloc de pierre a sans doute une valeur incalculable. Si grand que soient les miracles opérés par la nature, ce n'est que grâce à un concours prodigieux de circonstances qu'elle a pu réaliser le miracle d'accumuler tant de matières précieuses en un si petit volume. Il y a donc là des trésors et des trésors. « Tant mieux, » dit Véronique. « Vous sauriez en profiter mieux que personne. » Don Luis réfléchit un instant et conclut en riant. « Vous avez tout à fait raison. Et je vous avoue que je m'attendais à ce dénouement. D'abord parce que mon droit sur la pierre Dieu me semble établi par des titres de propriété suffisants. Ensuite, parce que j'ai besoin de ce bloc de pierre. Mon Dieu, oui. La dalle funéraire des rois de Bohême n'a pas épuisé son pouvoir magique. Il reste bien des peuplades sur qui ce pouvoir peut agir au même degré que sur nos ancêtres les Gaulois. Et justement, je poursuis une entreprise formidable où un tel secours me sera précieux. Dans quelques années, mon œuvre achevée, je rapporterai la pierre dure en France et en doterai un laboratoire national que j'ai l'intention de fonder. Et ainsi la science purifiera le mal que la pierre dure a pu faire et la mauvaise aventure de Sarek sera rachetée. Vous m'approuvez, madame ? Elle lui tendit la main, de tout mon cœur. Il y eut un assez long silence. Puis, Don Luis Perena reprit. Oh oui, la mauvaise aventure est terrible au-delà de toute expression. J'en ai connu d'effrayantes. J'en ai vécu moi-même qui m'ont laissé un souvenir d'angoisse. Mais celle-ci les dépasse toutes. Elle a été au-delà de tout ce qui est possible dans la réalité et humain dans la douleur. Elle a été illogique et cela prouve qu'elle fut l'acte d'un fou. Et aussi parce qu'elle s'est déroulée à une époque de folie et d'égarement. C'est la guerre qui a permis la mise en œuvre, dans le silence et dans la sécurité, de crimes conçus, préparés, exécutés par un monstre. En temps de paix, les monstres n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout de leurs rêves stupides. Aujourd'hui, et dans cette île isolée, celui-là a trouvé des conditions particulières, anormales. « Ne parlons pas de tout cela, voulez-vous ?» murmura Véronique d'une voix qui tremblait. Don Luis baisa la main de la jeune femme, puis, saisit tout va bien, et l'éleva dans ses bras. « Vous avez raison, n'en parlons pas. Sans quoi, voici les larmes, et tout va bien serait mélancolique. Tout va bien, délicieux, tout va bien. Ne parlons donc plus de l'épouvantable aventure. Mais tout de même, rappelons-en certains épisodes qui furent jolis et pittoresques. N'est-ce pas, tout va bien ? Le jardin en fleurs gigantesques de Magnoc, tu t'en souviendras comme moi. Et la légende de la pierre Dieu, l'épopée des tribus celtiques errant avec la dalle funéraire de leur roi, la dalle toute frissonnante de radium, d'où part inlassablement un bombardement d'atomes vivifiants et miraculeux. N'est-ce pas, tout va bien ? Cela ne manque pas d'allure. Seulement, vois-tu, exquis tout va bien, si j'étais romancier et chargé de raconter l'histoire de l'île aux 30 cercueils, je me soucierais peu de l'affreuse vérité, et je te donnerais un rôle beaucoup plus important. Je supprimerais l'intervention de ce raseur, de ce phraseur de Don Luis. Et c'est toi qui serais le sauveur intrépide et silencieux. C'est toi qui lutterais contre le monstre abominable. C'est toi qui déjouerais ses machinations et qui, à la fin, par la grâce de ton merveilleux instinct, punirais le vice et ferais triompher la vertu. Et ce serait beaucoup mieux ainsi, puisque nul mieux que toi, délicieux tout va bien, ne serait capable de nous montrer, par mille preuves plus convaincantes les unes que les autres, que dans la vie, tout s'arrange et que tout va bien. » Ainsi s'achève « L'île aux 30 cercueils » de Maurice Leblanc.